Activité 48. 1. Excusez-moi, où est la salle 12? La salle 12 est au premier étage. Prenez les escaliers. 2. Est-ce que vous avez des documents en anglais? Bien sûr. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche des livres et des journaux. 3. Bonjour. Je viens inscrire ma fille au cours de musique. Bonjour, bienvenue. D'accord, c'est pour quel instrument? La guitare. Quand commencent les cours? La semaine prochaine. 4. Monsieur, où est la ville de Lyon? Lyon, c'est ici. Au sud de Paris? Oui, c'est ça. 5. Bonjour, je suis Madame Lenôtre, la mère de Julien. Bonjour, Madame Fontaine, le professeur de Julien. Entrez.